Bonjour, ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. J'aimerais souhaiter à l'équipe junior Les Éperviers de Normandin un joyeux 25e anniversaire. Je tiens également à remercier les fidèles supporters ainsi que les nombreux commanditaires qui, depuis plus de 25 ans, supportent cette équipe qui fait la joie des Normandinois et Normandinoises. Bravo également à toute l'équipe de bénévoles qui travaille sans relâche au succès des Éperviers Junior 2A. On va parler de du tournoi de hockey junior avec notre ami Pierre Gay. Salut Pierre. Bonjour Danny. Pierre, évidemment, on va parler de ce qui s'est passé à la fin de semaine au tournoi junior d'Alma. J'ai pris un petit 2-3 jours de vacances, donc j'ai pas vraiment couvert l'activité. Mais ce que je peux voir, c'est que les Marquis ont défait les Éperviers 5-3 en grande finale. Oui, les Marquis ont eu un parcours en finissant quatrième. J'ai rencontré Robert Val qui avait eu un parcours parfait. Robert Val avait vaincu les Saguenay-Chicoutimi 3-2. Ont vaincu Bellechasse puis ont annulé contre les Éperviers le samedi soir. Venu premier. Et les Athlons d'Alma qui ont causé la surprise du tournoi en terminant en deuxième position. Et c'est avec deux victoires en fin de semaine, qui vont peut-être remonter le moral de l'équipe des Athlons. L'équipe qui a déçu, ben, c'est plus celle des Saguenayens. Okay. Ils ont remporté seulement une victoire contre Bellechasse. Ouais. OK. Mais dans l'ensemble, est-ce que les assistances ont été quand même intéressantes? Moi, j'ai assisté juste au game du junior 2A, vu que j'avais de la ligue. Au junior 2A, il y avait du monde. Je peux dire que s'il y avait beaucoup de monde, je ne sais pas, parce que vu qu'on n'est pas, nous, on n'était pas présents au contrat complet, vu que c'est pas une coupe qui l'organise, c'est l'équipe à Jean-Benoît. Donc, ouais. Mais au junior 2A à Alma, il y avait des bonnes assistantes. Quand il y a eu du 2A à Saint-Bruno, quand je suis allé vendredi soir, on avait une belle assistance aussi contre les Agnéens. Okay. Le junior A, le junior B, je peux pas te dire. Dimanche, la température n'a pas aidé, ça c'est sûr. OK, OK. Il a pas fait de beau ici, je pensais, en fin de semaine, hein? Non, dimanche, surtout dimanche. Là. OK. Dimanche, c'est pas beau. Nous autres, dimanche, on est devoir dormir une partie. Ah, OK, OK. Une partie d'aller okay. Cuisette. Saint-Étienne jouait à Alma dimanche soir, on a remis la partie. OK. Et en fin de semaine prochaine, les Athlons d'Alma joueront pas les deux parties, soit contre Normandin, les Marquis de Jonquin, parce que là, ils ont perdu l'entraîneur. Leur entraîneur a démissionné en fin de semaine la première partie. Puis on a donné la chance aux Athlons de se trouver un nouvel entraîneur. Donc on a remis les deux parties la fin de semaine, ils vont se reprendre d'ici la fin d'année. OK. Est-ce que c'est fait? Oui. Est-ce que c'est dû au fait du mauvais début de saison de l'équipe? Ben, je pense pas. Je pense que parce que Claude avait beaucoup d'ouvert. Claude travaille en assurance, puis il a beaucoup d'ouvert. Okay. Donc, il avait de la misère à coordonner un peu les deux. D'après nous autres, d'après ce qu'on a su, probablement que M. André Richard qui prendrait l'équipe jusqu'à la fin de la saison. OK. Ça arrivait temps de se trouver des adjoints. Et à Alma, on n'est pas comme au Saguenay. C'est plus difficile d'avoir des adjoints avec leur hockey scolaire. Ouais. Le junior, ben, c'est pas facile d'aller là non plus. Tu peux pas voir n'importe qui. Mm. Fait que quand on nous a demandé ça, j'ai réuni mon CA, puis on a dit OK. En fin de semaine, on va remettre les deux parties, puis on sera pris prochainement. OK. Dis-moi, je reviens au hockey junior. Est-ce que vous avez des montants d'argent de ce tournoi-là? Parce que par le passé, il y en avait eu. Est-ce que vous allez en avoir cette année? Aucune idée. OK. Aucune idée. L'an passé, on a eu une partie, on a eu. Cette année, je ne sais pas, pas en tout. Avant, c'est parce que c'était partiel qui était président de la Ligue, partiel qui était président, qui était au tournoi, donc ça allait bien. Mm. Vu que c'est deux entités différentes, je ne sais pas. Okay. Peut-être qu'ils vont nous en donner, puis c'est sûr que s'ils nous en donnent, ça va être bien vu. Et nous autres, on a fait notre budget en conséquence qu'on n'aurait pas d'argent, donc si on en a, ben, ça va être un beau surplus pour la Ligue. Pour nous aider, c'est ça. certainement. Mais oui, à quelque part, c'est bien beau. Vous aviez pas d'argent, vous avez pas de budget pour, vous avez budgété pour comme si vous n'auriez pas d'argent. Sauf que si je me rappelle bien, ce tournoi d'Alma, les équipes juniors sont obligées de participer à ce tournoi-là. Donc, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça va faire là? L'an prochain, si vous n'avez pas d'argent, pourquoi obliger les équipes à y aller? Nous autres, premièrement, dans la Ligue, là, la directeur, on n'a pas obligé aucune équipe à y aller. Okay. C'est la Fédération régionale qui oblige les équipes de la région à jouer un tournoi dans la région pour avoir le droit de participer à un tournoi en dehors. OK. Ça fait que le junior va être juste seulement à lui. Et comme on sait que c'est sur 6 équipes en fin de semaine, tu avais 5 équipes de la région. Donc, c'est un tournoi quasiment régional. Là. Ben ouais, ouais. On s'en ça cachera pas. Une de nos équipes ne voulait pas y aller. Nous autres, on n'a obligé personne à y aller. C'était le choix. Mais les équipes, ce qu'ils aiment faire, c'est un tournoi en dehors. Mm. Donc, pour aller en dehors, sans trouver d'aller là. Puis, écoute, c'est des coups. Moi, j'imagine que Normandin venir à Saint-Bruno, là. C'est comme aller un tournoi en dehors. Là. Normandin, Saint-Bruno, trois fois en autobus. Ça doit être une affaire de 2500 à 3000$. Mm. L'institution du tournoi, c'est presque 1000$. Fait que c'est assez. C'est coûteux pour jouer encore entre tes équipes à toi. Oui, effectivement. Mais moi, je me pose la question encore. Vous obligez pas, mais à quelque part, tu dis que vous n'êtes pas obligé, mais c'est ça le tournoi junior vraiment là, dans la région. Fait que vous n'êtes pas obligé, mais vous l'êtes pareil. Là. Ben, c'est ça. On n'est pas obligé, mais on est obligé d'y aller. Oui, c'est ça. Donc. On a demandé que nous autres, la Ligue, avec Concertant. Avec les équipes, on sait que les équipes, il y a deux équipes qui avaient demandé le tournoi, un tournoi junior au Saguenay. Si ça avait été donné par la fédération, ben, la Ligue aurait été avec les deux équipes juniors. Puis là, ça s'est arrêté pour nous autres aussi un fonds de roulement. Puis c'est certain qu'avec un gars comme M. Desjardins, Bob Desjardins, qui connaît extrêmement beaucoup d'équipes, qui est connu partout dans la province. C'est sûr que qu'on aurait dans le 2A, je m'en cache pas, on aurait certainement 8 à 12 équipes facile. Là. OK. Parce que Bob, c'est connu comme parabole en pension. Ben oui. Lui était prêt à le faire, le tournoi, à l'organiser au Saguenay avec Guy Saint-Gelais. Il serait mis deux équipes ensemble pour le faire avec l'Allier. Donc, on a arrêté, mais là, c'est la fédération n'a pas voulu donner le tournoi. OK. Mais est-ce que l'an prochain, ça va être à revoir? C'est à revoir. On a encore fait une demande à la fédération. Il faut passer par la fédération tous les ans. OK. Tant qu'ils ne changeront pas les optiques, il faut que des équipes de la région, au moins un tournoi dans la région prenant dehors, les équipes vont trouver de faire ça. Sans ça, ils ne pourront pas aller jouer en dehors. Ils n'auront pas le petit ticket que la fédération donne pour aller jouer en dehors. OK. Mais ça va, tu vois, donc est-ce qu'on peut penser qu'il pourrait peut-être y avoir un litige dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Ah, c'est sûr. Là, on a déjà envoyé une lettre à la fédération. Ben oui, ça n'a pas de bon sens. Hein? Pour lui demander l'autorisation d'aller jouer un tournoi en dehors, même s'il ne jouait pas ici. Ça nous a été refusé. On va revenir à la charge cette année avec d'autres arguments, puis on va voir ce que ça va donner. C'est sûr qu'on voudrait bien que nos équipes puissent aller jouer en dehors. À être obligé, mais là, je suis pas sûr, là. Tu sais, à 6 équipes de même, leur fédération, ils vont bien regarder. C'est pas de la faute des organisateurs non plus. Les équipes viennent pas à le voir. Là, c'est rendu qu'il y a deux tournois en même temps, je pense. Mm-hmm. Il y en a un dans Charlevoix, puis il y en a un dans Québec, parce que dans le bout de Québec, il y avait un représentant de tournoi qui m'avait appelé pour avoir le nom de mes équipes pour aller à deux tournois. Moi, j'avais dit qu'il y en avait un ici. Avant, il n'y en avait pas d'équipe dans dehors. Le tournoi en dehors. Mais là, il est rendu, je pense qu'il y en a deux en même temps. C'est sûr que ça ne donne pas un gros avantage. Là, on est désavantagé parce que tu pars Montréal, tu t'en viens à Québec, c'est facile. Ouais. Montréal, Miro Lac, c'est sur l'autoroute, c'est encore des frais, plus de frais et plus les coûts sont plus hauts. OK. Est-ce qu'il y a une petite vengeance en arrière de ça? Est-ce qu'il y a une petite vengeance en arrière de ça? Je pense pas. Parce que moi, j'ai rencontré Jean-Benoît. On a joué avec Jean-Benoît ensemble. Jean-Benoît, il est bien correct, il est président du tournoi. C'est lui qui devrait décider parce que il va donner l'argent à moi. Il m'a toujours dit que lui, il n'avait rien contre nous autres. Il était dans la Ligue, puis même l'an prochain, on l'a même rapproché pour s'occuper de nos statistiques puis de faire les cédules. Ça fait que puis il semblait intéressé. Donc je pense pas. Le coup de main, tu sais, c'est. En tout cas, s'il y a une vengeance, c'est bon, mais ça donne un mot. On est rendu à, c'est la deuxième année, là. Ouais. Puis, c'est vendredi soir, j'ai rencontré Marcel. On s'est salué, c'est tout. Okay. C'est pas plus grave que ça, là. Moi, pour moi, il n'y a rien là. J'ai fini. C'était la fête d'une journée. Là. C'est le dimanche là, du vote, puis c'est tout. Là, le reste. OK. Bon. En fin de semaine, il se passe quoi dans les différentes ligues? Donc, c'est le retour à la normale, quoi? Oui, c'est le retour à la normale, excepté que là, t'as les deux parties des aides longues qui ont été remises. OK. Donc, on va... Il nous reste exactement 9 semaines avant la fin de la saison. Donc, ça va dérouler assez vite. La saison finit le 15 février. Ouais, donc, ça va vite reste en à peu près 12 parties à jouer. Ça va... Encore une autre saison qui passe vite. Oui, ça va très, très vite. Ben, on se reparle prochainement. Merci, Danny. Voilà, donc, c'est le président de la Ligue JMS, M. Pierre Gay.